Quel est le point commun entre une pomme, une planète, une galaxie, une tartine beurrée et un chat? Eh bien, tous sont soumis à une même force qui décrit leur mouvement, la gravitation. Mais des quatre forces fondamentales qui décrivent l'ensemble des phénomènes physiques connus, la gravitation est celle qui résiste le plus. À l'échelle quantique ou au contraire à l'échelle de l'univers, la gravitation fait mentir les équations du modèle standard. Alors comment établir une théorie quantique de la gravitation? La gravitation finira-t-elle par faire mentir la théorie de la relativité générale d'Einstein, ou faut-il purement et simplement repenser la gravitation telle qu'on la connaît? Faut-il repenser la gravitation? C'est le petit problème que nous allons tenter de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour entreprendre cette tâche herculéenne, voire sisyphéenne, à tel point elle irrigue la pensée et l'histoire de la physique depuis l'Antiquité, eh bien nous avons le plaisir de recevoir en duplex depuis les locaux de nos confrères de la WDR à Cologne, Carlo Rovelli, bonjour. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, vous êtes physicien, directeur de recherche en gravité quantique au Centre de physique théorique de Marseille-Lumini. Vous êtes l'auteur récemment de « Par-delà le visible, la réalité du monde physique et la gravité quantique » ainsi que de « 7 leçons de physique », le tout chez Odile Jacob. Et nous sommes ici en studio à Paris, dans les studios de France Culture avec Jean-Philippe Uzan. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur de recherche CNRS, vous travaillez à l'Institut d'astrophysique de Paris et vous êtes également le directeur adjoint de l'Institut Henri Poincaré, et l'on peut citer parmi vos publications récentes La gravitation ou Pourquoi tombe toujours, ce que vous avez, qui est un livre pour le jeune public que vous avez coécrit avec Barbara Martinez, et c'est publié aux éditions Le Pommier. Voilà, vous pouvez suivre cette émission comme chaque jour en direct sur notre fil Twitter @laméthodefc. Ceci étant dit, je vais vous demander pour commencer de vous soumettre à un exercice qu'on va dire quasi impossible, mais dans quasi impossible il y a quasi, c'est donc que ça doit bien être possible, définir la gravité en une phrase synthétique. Carlo Rovelli, c'est vous qui commencez. C'est quoi la gravitation concrètement en peu de mots? Ce n'est pas si compliqué. Gravité, c'est le nom que nous donnons à une observation simple qui est que plein de choses tombent. Si je laisse libre un caillou, je le vois tomber et j'appelle ça la gravité. Après, la question, c'est de comprendre comment ça marche, pourquoi les choses tombent vers le haut, d'autres vers le bas, quelqu'un plus vite, d'autres plus lente. Jean-Philippe Uzan, à vous. Bon, c'est bien, t'as tout dit là, on est tranquille. Souvent, j'aime bien, ouais, c'est important de définir ce que c'est que la gravitation, parce qu'on peut pas définir ça par une théorie, parce que les théories vont être des descriptions de ce phénomène, donc faut dire quel est ce phénomène. Alors, je tenterai quelque chose du style que la gravitation, c'est la seule force à longue portée qui n'est pas compensée. Alors, bien sûr, les gens vont peut-être pas comprendre ce que ça veut dire, mais je crois que ça, en quelques mots, ça donne toutes les caractéristiques de ce qu'est cette force. Alors, expliquez-nous un peu ce que vous entendez par là, justement. Comment vous décririez, vous décrypteriez cette force? Alors, comment est-ce qu'on peut la compenser? Comment est-ce qu'on peut la décrypter? Dans l'état actuel de nos connaissances en physique, nous avons quatre forces fondamentales. Donc, la gravitation et l'électromagnétisme, qui sont deux forces à longue portée, c'est-à-dire qu'elles agissent sur des très très grandes distances, voire sur des distances infinies, alors que les deux forces nucléaires, elles, n'agissent qu'à des petites distances. L'interaction forte et l'interaction faible. Sur les quatre forces fondamentales, on va beaucoup en parler au cours de cette heure. Voilà, tout à fait. Donc on voit que si je dis que c'est une force à longue portée, eh bien il m'en reste deux, qui sont l'électromagnétisme et la gravitation. Et je dis qu'il est non compensé parce qu'en fait, quand vous avez des charges électriques, il y a des charges positives et des charges négatives. Et en général, si j'ai un milieu, même s'il est constitué de charges, eh bien qu'il est globalement neutre, à très grande distance, cette force va être quasiment inefficace. Mmh. Alors que la gravitation, il n'existe pas de masse négative et donc cette force agit et n'est pas jamais compensé. Donc en fait, c'est une façon, avec cette définition, d'exclure les forces une à une pour dire voilà ce qui caractérise la gravitation, en quoi elle est différente de l'électromagnétisme et des forces nucléaires. Carlo Rovelli, est-ce que vous voulez compenser cette définition? Non, c'est très précis, ça caractérise. Je dirais peut-être que c'est une très bonne définition à l'intérieur d'un certain cadre conceptuel qui est celui de l'idée de force, justement, qui a fonctionné, fonctionne bien dans un certain domaine. Ouais. Alors, pour, on va faire une petite histoire, hein, remonter rapidement l'histoire de cette force, la gravitation, parce que, oui. Je le disais depuis tout à l'heure, hein, les premières pensées scientifiques essayent de comprendre pourquoi les choses tombent vers le bas et qu'elles ne tombent pas vers le haut. Quelles sont les premières descriptions, Carlo Rovelli, que l'on trouve dans l'Antiquité, justement, de cette force? Comment est-ce que les premiers penseurs la comprennent? Non, pas du tout. La question est mal posée, si je veux. Allez-y, alors, reformulez-la. Parce que l'idée de force, c'est une idée qui est née avec Newton. Mm. Et pour ce qui a à voir la gravité, ça se termine avec Einstein. Donc ça dure 2 siècles et demi. Mm. Tandis que la gravitation est toujours là et la pensée sur la gravitation est toujours là. Alors moi, ce que je dirais, c'est que... c'est un phénomène, comme Jean-Philippe très justement dit, qu'on peut caractériser. Et dans l'histoire, on a eu des théories pour le comprendre, pour comprendre comment ça marche, pour mettre en ordre, pour pouvoir faire des prévisions. Et on a eu 3 grandes théories. Tous les 3 se sont montrés avec des limites, donc on n'a pas une théorie finale pour comprendre pourquoi les choses tombent. Et tous les 3 ont été très, très... ont eu énorme influence dans l'histoire de la pensée et ont été très importants pour la civilisation, au moins la nôtre. Alors les 3 théories sont, la première est celle d'Aristote. Aristote a une très belle théorie de la gravité qui marche très bien et qui a été la meilleure théorie pour une vingtaine de siècles, qui est développée dans 3 de ses livres et qui a duré jusqu'au Newton, grosso modo. Avec Copernic, ça ne marchait plus. Et Newton a trouvé une façon beaucoup meilleure de décrire la gravité, qui est celle que nous étudions à l'école, et a écrit une très belle théorie de la gravitation, encore une fois, qui marche mieux que celle d'Aristote, permet de faire des précisions plus précises, met les choses ensemble de façon plus cohérente. Mmh. Et c'est à l'intérieur de la théorie de Newton, et seulement de la théorie de Newton, qu'on parle de force. Il n'y a pas de force, de force gravitationnelle dans la théorie d'Aristote. Mais comment Aristote comprend la gravité, alors s'il ne la comprend pas comme une force, comment est-ce qu'il la définit? Alors, Aristote introduit une idée qui reste valable même aujourd'hui, qui est une très grande idée à la base de la physique, de la discussion du mouvement, que toutes les choses ont un mouvement naturel et un mouvement forcé. Et donc, pour comprendre comment les choses bougent, il faut voir qu'est-ce que force une chose. Par exemple, si je lance mon crayon, il bouge par un mouvement forcé, et ils ont un mouvement naturel. Et aujourd'hui encore, nous avons cette distinction-là. Mmh. Alors, pour Aristote, les choses ont un mouvement naturel vers sur la Terre, qui est vers le bas ou vers le haut, selon... elles vont vers ce que Aristote appelle leur lieu naturel. Donc le feu va vers le haut parce que le lieu naturel du feu va vers le haut. Un morceau de bois va vers le bas s'il est dans l'air et vers le haut s'il est dans l'eau, parce que son lieu naturel, c'est plus haut que l'air et plus bas que, plus bas que l'air et plus haut que l'eau. Donc ça, c'est grosso modo, là, je simplifie un peu ces 3 livres d'Aristote. Donc, les choses bougent selon le mouvement naturel. Et la gravité, c'est leur mouvement naturel. Par Aristote, par Newton, par contre, le mouvement naturel, c'est aller tout droit. Et donc, si une chose tombe, il y a une force, c'est un mouvement forcé. Et... mon crayon tombe vers la Terre parce qu'il y a une force due à la Terre, à l'attraction de la Terre, qui le tire vers le bas. Donc les choses tombent non pas pour le mouvement naturel, mais pour un mouvement forcé. Alors ce que je trouve très intéressant, c'est que dans la 3e des grandes théories de la gravitation, qui est la relativité générale d'Einstein, qui est un autre énorme succès, comme les 2 premières. Je vous interromps, Carlo Rovelli, parce que avant ça, je voudrais tout de même poser une question qui est une question importante et centrale. À partir de quel moment dans l'histoire des sciences, quelle est la personne qui fait le lien entre mon crayon qui tombe et le mouvement des planètes? C'est Newton. C'est Newton avec un. C'est important de le dire, c'est que ce que fait Newton, c'est que. Oui, c'est un des avantages énormes de la théorie de Newton par rapport à la théorie d'Aristote, que Aristote était forcé à avoir 2 théories différentes, un pour le planète qu'il tombe pas, ils vont en cercle, et un pour les choses entières. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à dire, ça c'est les lois des choses entières. Par contre, Newton a fait un calcul très beau dans son livre, dans le Principia. Le Principia, oui. Oui, le calcul sur la petite lune, il fait un calcul de comment bougerait une deuxième lune si la Terre avait une deuxième lune qui bougerait juste au-dessus des montagnes. Et il se rend compte que cette lune aurait une accélération égale à l'accélération des choses qui tombent. Donc il comprend que finalement la force qui tienne la lune sur son orbite est la même force qui fait tomber les choses. C'est ça la magie exceptionnelle de la théorie de Newton, qui met ensemble le ciel et la terre. Et on avance, parce que encore une fois, on va renvoyer, on avait consacré ici même une émission entière à Isaac Newton et à sa carrière. On va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission. L'autre grande étape, c'est un changement de paradigme, hein, c'est Einstein qui transforme la gravité non plus en force, mais en déformation de l'espace-temps. Là, il y a vraiment un basculement paradigmatique. Oui, et pour faire le lien à ce que je disais avant, dans un certain sens, c'est surprenant que la gravitation, ça redevienne le mouvement naturel. C'est-à-dire, à l'intérieur de la relativité générale, mon crayon tombe non pas parce qu'il est forcé par une force, mais parce qu'il suit son mouvement naturel qui allait tout droit dans un espace-temps courbe. Mmh. Donc, la grande idée d'Einstein, c'est que l'espace n'est pas une chose fixe et rigide, et le temps n'est pas une chose fixe et rigide, mais ils font une espèce de grand mollusque, ça c'est une métaphore qu'Einstein a utilisée, dans lequel nous sommes immergés, qui peuvent se déformer, et il est capable de montrer que ces déformations de l'espace, et l'idée que les choses bougent tout droit dans un espace-temps déformé, explique très bien les mouvements de la physique newtonienne, mais mieux, parce que Mercure, par exemple, qui bouge autour du Soleil, ne suivent pas les lois de Newton. Et il y a quelque chose qui ne va pas. Par contre, ils suivent parfaitement la correction d'Einstein. Et donc, on a une troisième théorie qui, seulement en phrase, elle aussi a ses limites. Et ça, on en verra, on va le voir dans quelques instants. Oui. Jean-Philippe Buzan, est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez apporter pour compléter, peut-être expliquer aussi quelque chose qui va être important pour la suite de notre conversation, c'est ce que postule aussi Einstein, c'est le principe d'équivalence. Alors Carlo a fait un très bon résumé de toute cette histoire qui est très très longue, mais je pense qu'il a mis le doigt sur quelque chose de très important, c'est que tout d'abord on parle de différentes théories, donc ces théories ce sont des représentations de phénomènes physiques, et comme vous l'avez dit, elles viennent toutes avec leurs limites aussi bien dans leur structure mathématique que expérimentale, et donc ça prouve déjà que ce que nous devons faire en tant que scientifiques, c'est faire des tests sur les prédictions dans un cadre théorique de la gravitation et les confronter à l'expérience. Et l'autre point, comme vous le dites, c'est vraiment ce principe d'équivalence. Et en fait, la façon dont les corps tombent, et dont ce qu'on appelle la chute libre, et l'universalité de la chute libre telle qu'elle va être mise en évidence par Galilée, c'est le fil qui va suivre en fait l'évolution de la gravitation depuis Galilée jusqu'à Einstein, et c'est même le phénomène qui va permettre à Einstein de trouver la voie en fait de cet espace-temps courbe. Alors pour rappeler l'universalité de la chute libre, c'est l'expérience dite de Pise, redites-nous voilà, en un mot ce que c'est. Si vous prenez deux corps différents, donc de masses différentes et de composition différentes, chimiques différentes, eh bien, cette universalité de la chute libre vous dit que ces corps tombent de la même façon dans un champ de gravitation extérieur. Voilà, alors ça c'est quelque chose d'important. Bien sûr, il y a cette vision un peu mythologique de la tour de Pise. Il faut savoir que voilà, donc on parlait de Newton. Newton dans les Principia fait des expériences avec des pendules pesants pour tester la validité de ce principe et depuis lui en fait, on a eu de nombreuses expériences avec des techniques qui ont différé. Des gens par exemple le mathématicien Friedrich Bessel avait amélioré les expériences de Newton. Ensuite, on est passé avec des balances de torsion, par exemple. On peut citer, par exemple, E. de Vos qui a fait ce genre d'expérience au début du XXe siècle. Et aujourd'hui, c'est encore un sujet de recherche très actif. Et là, demain, on fêtera les 1 an du lancer d'un satellite qui va être très important dans les mois qui viennent, qui est le satellite Microscope. Et que nous allons découvrir tout à l'heure, puisque nous sommes allés faire un reportage et vous allez pouvoir entendre effectivement précisément pourquoi ce satellite Microscope va être très important. Un mot sur ce principe d'équivalence quand même, pour qu'on comprenne pourquoi il est important et pourquoi il est structurant pour cette nouvelle théorie de la relativité générale. Alors il est structurant parce que... Alors est-ce qu'il est structurant Il est structurant pour différentes façons. Alors peut-être la première façon de vous expliquer à quel point il est important, je vais prendre une phrase qui est tirée de Newton lui-même. Comme ça, il vaut mieux laisser parler Newton, comme ça on se fera moins engueuler. il nous dit dans les Principia, donc ça c'est la traduction d'Émilie du Châtelet, 1759, il nous dit « Cette force, donc la gravitation, est toujours proportionnelle à la quantité de matière des corps et elle ne diffère de ce que l'on appelle l'inertie de la matière que par la manière de la concevoir. » Alors là, on voit déjà la première chose, c'est-à-dire que, comme souvent en physique, on va avoir des choses dont on pense être des quantités différentes et on va se rendre compte qu'en fait, on doit les unifier. Et on pensait qu'il y avait deux notions de masse, une masse qui est celle qui fait la gravitation, et là, une force et une notion de masse. Ce qu'il appelle l'inertie. Voilà, dans la façon dont les objets tombent. Et non, c'est pas ça. Ça, c'est la masse grave. Donc, la masse d'inertie, elle n'a rien à voir avec la gravitation. C'est que si j'ai un objet sur une table, je peux essayer de le déplacer. Et vous voyez bien qu'un objet qui va être lourd, s'il faut que j'applique une force qui est beaucoup plus importante pour pouvoir le déplacer, d'autant plus s'il est beaucoup plus lourd. Et donc ça, on a l'impression que l'inertie, c'est ce qui s'oppose au mouvement. Et en fait, il va comprendre que cette notion d'inertie et cette notion de masse grave, en fait, ce sont deux concepts qui sont identiques. Il dit ils sont différents simplement par la façon de les concevoir, mais mathématiquement, ontologiquement, en fait, ça va être les mêmes quantités. Et donc, le principe d'équivalence nous dit que ces deux principes de masse, qu'on peut appeler la masse grave et la masse inerte, en fait, ne sont qu'une masse. Est-ce que Carlo Rovelli. Un commentaire là. Oui, bien sûr. Oui, c'est, je vais traduire dans une version naïve cette même explication qui est très précise, mais je vais la mettre dans une version. Dans la physique que nous étudions à l'école, si je prends deux objets dans le vide, il n'y a pas l'air, une plus lourde, une plus léger, et je les laisse tomber, ce que nous apprenons à l'école, c'est que la force sur celui qui est plus lourd est beaucoup plus grande et la force sur celui qui est plus léger est beaucoup plus petite. Mais la résistance de celui qui est lourd est plus grande, l'inertie et l'inertie de celui qui est plus petit est plus petite. Donc finalement, ils tombent à la même distance, à la même façon, à la même vitesse. Exactement même façon. D'ailleurs, l'expérience a été refaite il n'y a pas très longtemps. Il y a une vidéo qui montre qu'en lâchant une balle et une plume dans du vide, dans une chambre de vide totale, ils tombent exactement, ils chutent tout à exactement la même vitesse. On va retrouver cette vidéo, on va la mettre sur Twitter aussi. Oui, c'est impressionnant de le voir. Il y a Apollo 15, donc tant qu'à voir. C'est une observation. Mais une fois qu'on se rend compte de ça, on a envie de dire, mais alors c'est bullshit, comme disent les Américains. Qu'est-ce que c'est cette force qu'il faut introduire dans les calculs, cette masse, il faut introduire dans les calculs, après ça en va. Et en fait, si on fait les calculs, il y a M d'un côté et M de l'autre. Et donc, c'est pas vrai qu'il y a une force plus grande, une force plus petite. Et s'il tombe la même chose, ça doit se passer la même chose. Et finalement, c'est ça qui a fait Einstein, a trouvé la façon d'enlever la notion de force et de faire voir que, bon, dans certaines limites, et de faire voir que on peut décrire la façon dont les deux objets tombent de façon égale sans besoin d'introduire une force plus grande pour l'une, une force plus petite pour l'autre, et sans parler de force. Est-ce qu'on peut le dire d'une autre façon encore pour être sûr de bien comprendre, c'est-à-dire qu'il y a en fait une équivalence entre une équivalence locale en tout cas entre la gravitation et l'accélération? Jean-Philippe Usan, ou Carlo Rovelli, comme vous voulez. Non, vas-y. on peut dire ça, donc il faut vraiment expliquer ce que ça veut dire. La question, c'est l'expérience de pensée de ce qu'on appelle l'ascenseur d'Einstein. Donc imaginez que vous êtes dans un ascenseur sans aucune fenêtre, et vous pouvez faire des expériences de physique, et la question de savoir, est-ce que vous pouvez mettre en évidence le fait que vous êtes en chute libre ou pas? D'accord. Et ça, c'est une généralisation de l'expérience de Galilée sur le mouvement uniforme. Si vous êtes dans un train en mouvement strictement rectiligne et uniforme et que vous fermez les fenêtres, est-ce que vous pouvez mettre en évidence par une expérience de physique le fait que vous êtes en mouvement? Et la réponse est non. Ça, c'est le principe d'équivalence sous la forme galiléenne. Et donc, Einstein la généralise en prenant finalement cette accélération sous l'effet d'un champ de gravitation. Donc, si vous êtes sans chute libre, imaginez que pour savoir si vous tombez, vous essayez de faire tomber des objets. Donc, vous lâcher un objet, eh bien cet objet, comme il tombe à la même vitesse, de la même façon que vous, eh bien par rapport à vous, vous ne le voyez pas tomber. Voilà. Donc c'est ça qui va être important. Et donc vous pouvez faire l'équivalence. Maintenant, si vous êtes dans cet ascenseur, vous imaginez un univers sans gravitation, mais une force qui tire l'ascenseur, qui l'accélère vers le haut. Eh bien là, les objets, eux, vont être relativement à l'ascenseur, vont tomber vers le sol de l'ascenseur. Et donc dans votre ascenseur, vous pouvez interpréter ça comme si vous étiez dans un champ de gravitation qui est constant. Alors ça, ça va le mettre sur la voie de cette description géométrique de la gravitation. Mais quand on y pense comme ça, ça pose d'abord un paradoxe, parce que si la gravitation peut être effacée par un état de mouvement accéléré, est-ce que la gravitation existe vraiment? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que la gravitation? Et c'est là où les choses commencent à se corser. Il est 16h20, vous écoutez France Culture, la méthode scientifique. Nous parlons tout au long de cette heure de la gravitation avec Carlo Rovelli qui est avec nous en duplex depuis Cologne et ici en studio à Paris, Jean-Philippe Usan. Alors, on le disait, on arrive au modèle standard de la physique tel qu'il est conçu et compris aujourd'hui avec quatre forces fondamentales, l'électromagnétisme, la gravitation et les interactions faibles ou fortes. Alors, Jean-Philippe Usan, vous nous avez défini tout à l'heure la façon dont la gravitation se distingue de ces quatre autres forces, mais pourquoi est-ce que la gravitation se distingue particulièrement de ces quatre autres forces? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas tout à fait régie par les mêmes principes? Pourquoi est-ce qu'elle échappe un peu encore à cette classification du modèle standard? Je pense qu'il n'y a pas de réponse universelle, ça va dépendre dans quel cadre on se place. Si je me place dans le cadre de la physique classique, on peut dire que, donc on parlait de Newton tout à l'heure, elle est tout à fait sur le même plan que les autres forces. Ça, c'est déjà un point. Et c'est vrai qu'avec Einstein, elle va changer un petit peu de statut parce que dans le cas de la relativité générale, et comme l'a dit Carlo tout à l'heure, la notion de force gravitationnelle va disparaître et on va avoir cette notion d'espace-temps courbe. Et finalement, ce qu'on va comprendre, c'est que la gravitation, c'est la structure de l'espace-temps lui-même. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un changement de stature et de nature, donc de nature mathématique, mais aussi ontologique, c'est-à-dire qu'on ne pense plus la gravitation comme étant une force, comme étant une action. C'est-à-dire comme quand vous le dessinez à l'école, une flèche, vous savez, une petite flèche qui vous dit, voilà, qui est d'autant plus grand que la force est importante et qui vous donne sa direction. Ça, c'est dans le cadre newtonien et dans le cadre de la relativité générale, on ne peut plus penser comme ça. Et ça veut dire qu'il va falloir développer de nouveaux mathématiques, mais surtout qu'on parle d'une autre réalité. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, finalement, ce que nous dit Einstein, c'est que la gravitation, c'est la structure de l'espace-temps lui-même. Donc, vous voyez bien que ça remet quelque chose de fondamental en question, parce que les autres phénomènes physiques, que ce soit un phénomène électromagnétique, un phénomène, on va dire, optique, se passent dans cet espace-temps. Et donc, par exemple, si je m'intéresse à la propagation de la lumière, cette lumière se propage dans un espace-temps. Si la gravitation, c'est la courbure de l'espace-temps, ça veut dire que la courbure de l'espace-temps affecte la propagation de la lumière. Ça, c'est quelque chose que nous sommes capables d'observer aujourd'hui. Et donc, on le sait aujourd'hui, la gravitation influence la lumière, en quelque sorte. Oui, de même que, par le corollaire à ça, c'est que la matière ralentit le temps. Si on pousse c'est un raccourci un peu rapide mais sur la lumière, ces effets qu'on appelle de l'antigravitationnel ont été utilisés, donc la première fois que ça a été détecté en 1919 par Eddington, c'est ce qui va être à l'origine du succès de la théorie, du fait qu'on va accepter la théorie d'Einstein. Et aujourd'hui, c'est devenu un outil astrophysique, c'est-à-dire les effets de l'antigravitationnel nous permettent de cartographier la distribution de matière dans l'univers. C'est quelque chose que l'on mesure presque tous les jours et que l'on comprend tellement bien que l'on utilise comme outil de mesure. Donc ça, c'est un phénomène qui est important. Donc la question qu'il va falloir faire, c'est comment relier ce qui se passe sur des petites échelles où la gravitation n'agit pas, par exemple quand je vais décrire la physique des particules, et puis prendre l'effet de la structure de l'espace-temps sur ces théories-là. Alors, Carlo Rovelli, à quels endroits, justement, essayons d'être un peu précis, à quels endroits finalement la gravitation se comporte différemment, ou en tout cas, à quels endroits perturbe-t-elle les équations d'Einstein? Alors, la théorie d'Einstein a eu des succès presque uniques, totalement spectaculaires. Le dernier, on l'a vu l'année passée avec la détection des ondes gravitationnelles. Donc, la théorie d'Einstein marche très, très, très bien. Elle décrit le mouvement des planètes, les choses qui tombent sur la Terre, mais pas seulement, l'expansion de l'univers. Jean-Philippe peut parler de ça beaucoup mieux que moi. Les ondes gravitationnelles, les trous noirs, plein de choses. Et comme vous disiez, la différence de passage du temps d'un endroit à l'autre, etc. etc. Plein de phénomènes que Einstein, qui sont prévus par la relativité d'Einstein et qu'on connaissait avant de les mesurer. Ça, c'est absolument spectaculaire. Donc, c'est une très bonne théorie. Mais, et ça c'est le problème, elle a des limites. Et les limites sont des deux types. Première, Premier, il y a des phénomènes que clairement échappent à la théorie. Alors, c'est le Big Bang, c'est-à-dire qu'est-ce que s'est passé il y a 14 milliards quelque chose d'années. Les tout premiers instants de l'univers, oui. Oui, et... Oui, s'ils étaient les premiers. Si tant est voilà. que le temps existe à ce voilà. moment-là, c'est encore voilà. autre chose. Si ça commençait là ou non. En tout cas, on n'arrive pas à étudier la physique de cette phase de l'univers avec la relativité générale. Il y a des choses qui ne marchent plus. L'autre situation où elle ne marche pas, c'est l'intérieur des trous noirs. La relativité générale a prévu les trous noirs, décrit très bien les trous noirs que nous observons dans le ciel. Décrit comment la matière tombe à l'intérieur du trou noir, donc une chose tombe, arrive au centre, et là, pouf, la réalité générale ne marche plus. C'est le point de singularité qui fait tendre les équations vers l'infini, si on veut résumer à grands traits. Voilà, qui est une façon de dire que la théorie ne marche plus. Mais d'autre part, dans tous ces cas où la théorie ne marche plus, on sait, nous croyons savoir pourquoi elle ne marche plus, parce qu'il y a la mécanique quantique. Et dans l'infiniment petit. Dans l'infiniment petit ou dans des situations de champ fort, dans toutes les situations, la mécanique quantique devient importante. Oui. Et là, donc, on a besoin d'une théorie quantique de l'espace-temps. Et ça, c'est le problème de la gravité quantique. Ça, c'est le problème, ça, c'est, si vous voulez, théorie après Aristote, après Newton, après Einstein qu'il faut construire et sur laquelle beaucoup de gens comme moi travaillent depuis des années. La construction d'une théorie qui soit compatible avec la réalité générale d'Einstein là où elle fonctionne bien et soit compatible avec la mécanique quantique. Nous avons besoin de cette combinaison qui marche bien pour les autres forces du modèle standard. Donc pour les autres forces du modèle standard, la mécanique quantique est cohérente avec leur discussion. Ce que vous voulez dire, qu'on arrive à quantifier les trois autres forces. Hein, l'électromagnétisme, on peut le quantifier. Deux interactions, on sait les quantifier. Oui. Moi, j'aime pas beaucoup le mot quantifier oui, mais joli, on arrive certes. À décrire très bien les phénomènes quantiques correspondant à ces forces-là. Donc, l'électromagnétisme qu'on utilise dans nos appareils électriques tous les jours, l'électromagnétisme a des propriétés quantiques qu'on sait très bien décrire avec l'électrodynamique quantique. Par contre, tous les phénomènes gravitationnels, qui sont très bien décrits par la relativité générale, là où on s'attend qu'ils montrent des phénomènes quantiques, et particulièrement au Big Bang, à l'intérieur des trous noirs, on n'a pas une théorie quantique pour les décrire. Donc, il faut construire une théorie quantique de la gravité. Donc, une théorie qui soit cohérente avec la mécanique quantique est cohérente avec la réalité générale. Et probablement, pour faire ça, moi je pense que pour faire ça, il faut changer à fond, encore une fois, la structure, la façon de penser à la réalité. Ce n'est plus de l'espace-temps courbe de l'espace-temps qui se courbe, mais ça devient plus compliqué, quelque chose d'autre. On va en parler, hein, puisque vous êtes l'un des grands penseurs de l'une des deux grandes théories concurrentes, la théorie de la gravitation quantique. À Boucamo, un mot peut-être, Jean-Philippe Buzan, pourquoi est-ce que c'est si... Alors, c'est pas joli de dire quantifié, mais disons-le quand même, parce que pour le moment, j'ai pas d'autre idée en tête. Pourquoi est-ce que c'est difficile de proposer en tout cas une théorie quantique de la gravité? Pourquoi est-ce que la gravitation échappe à la physique quantique? Bon, là-dessus, Carlo est bien plus spécialiste que moi, mais une chose qu'on peut dire, c'est que dans le cadre de la relativité générale, on travaille avec l'espace-temps et en fait, on va pas singulariser une notion de temps particulier. C'est-à-dire que la seule chose qu'un observateur va pouvoir mesurer, c'est le temps qu'il a à sa montre. Et comparer les temps est une chose d'assez difficile, auquel il faut vraiment faire attention. Alors que dans la mécanique quantique, on a besoin d'un temps. On commence par une équation dans laquelle le temps apparaît en tant que tel et la statue même mathématique du temps est très différente de celui d'espace. Et là, on voit déjà bien qu'il y a quelque chose qui va à choper, c'est-à-dire dans les structures des théories, eh bien, leurs concepts sont différents. Et donc, il va falloir trouver un nouveau concept qui englobe dans une certaine limite une structure qui est de type géométrique dans lequel l'espace et le temps sont sur le même statut, alors que dans une autre limite qui pointerait vers la mécanique quantique, eh bien, ces deux concepts prennent des significations différentes. Alors ça, on l'a déjà connu. Hein, quand les gens ont développé la mécanique quantique elle-même, ils étaient un peu coincés parce qu'ils avaient la notion de particules et la notion d'onde. Et en fait, ils ont trouvé ce nouveau concept qu'on appelle le concept de fonction d'onde qui va vous permettre d'être associé à une particule et qui parfois se comportera comme une particule et parfois comme une onde suivant le processus expérimental qui sera mis en jeu. Et là, la question, c'est de savoir quel est cet objet. Donc vous partez des objets que vous connaissez dans une certaine limite, vous devez généraliser les choses et donc trouver un nouvel objet qui, dans certaines limites, va bien se comporter. Carlo Rovelli, à ce propos, vous vouliez réagir ? Non, je pense que Jean-Philippe a mis le doigt sur le côté principal. C'est-à-dire, pour écrire une théorie de la gravité quantique, on s'attend qu'il faut changer les règles du jeu. Newton nous a donné des très belles règles du jeu pour penser à l'espace et au temps. Newton nous a dit, bon, le temps, l'espace est là, est donné, est décrit par cette mathématique, et le temps passe, et tout bouge dans le temps. Einstein a changé ça, parce qu'on parle d'espace-temps courbe, mais finalement pas trop. Et si on s'attend maintenant que cet espace courbe d'Einstein devienne quantique, ça veut dire qu'il y a une espèce de fonction d'onde, justement, de l'espace. Donc, il n'y a pas un espace, mais il y a une superposition d'espace avec des probabilités différentes. Et des temps avec des probabilités différentes. Et donc, on se rend compte qu'on ne peut pas commencer à penser au monde en disant « il y a l'espace, il y a le temps, il y a le reste ». L'espace et le temps émergent de quelque chose de différent. Alors, la théorie sur laquelle je travaille, que vous avez nommée, la gravité quantique à boucle, c'est une tentative de faire ça, d'écrire des équations, lui donner des interprétations, et de voir si ces équations peuvent, d'un côté, reproduire la relativité générale usuelle, parce que là, ça marche, et de l'autre côté, nous dire qu'est-ce qui se passe, nous dire de façon cohérente qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du trou noir, par exemple. Et on va renvoyer sur cette question, parce que ça mérite une émission à part entière, voire plusieurs émissions, à l'émission que nous avions fait ensemble, à laquelle vous aviez participé, Carlo Rovelli, où on essayait de comprendre comment compléter ce modèle standard de la physique, où il est question et de théorie des cordes et de modèles et de gravitation quantique à boucle. On vous met le lien à l'instant sur Twitter et on va reparler un peu des limites et en tout cas des recherches des limites de la gravitation dans un instant. La méthode scientifique, Nicolas Martin. De Rubik, les lois de la gravité, puisque c'est le thème de notre émission aujourd'hui sur France Culture. Il est 16h33, vous écoutez La Méthode Scientifique, une émission que nous passons en duplex depuis Cologne avec Carlo Rovelli, qui est physicien directeur de recherche en gravité quantique au Centre de Physique Théorique de Marseille-Lumini, et ici avec nous à Paris avec Jean-Philippe Usan, qui est directeur de recherche CNRS, qui travaille à l'Institut d'Astrophysique de Paris et directeur adjoint de l'Institut Henri Poincaré. Dans cette deuxième partie de l'émission, donc on est en train de tester un peu les limites de la gravitation. On va se poser un certain nombre de questions. Et puis finalement, si on en faisait trop avec la gravitation, s'il fallait la penser complètement de façon différente, on va en parler dans quelques instants. En ce moment, en tout cas, plusieurs expériences testent les limites de la gravitation, dont l'expérience Microscope. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Alors Microscope, c'est un satellite qui pourrait donc remettre en question la relativité générale d'Einstein en mettant à l'épreuve ce dont nous parlions tout à l'heure, à savoir le principe d'équivalence. Oui, et ce satellite Microscope, pour microsatellite à traînée compensée pour l'observation du principe d'équivalence, c'est le Centre National d'Études Spatiales, le CNES, qui l'a conçu et mis en orbite il y a un an. À bord de ce satellite, on trouve deux masses cylindriques concentriques constituées de matériaux différents. Ces deux corps seront minutieusement contrôlés pour qu'ils restent immobiles par rapport au satellite. Si le principe d'équivalence est vérifié, alors les deux corps subiront la même accélération. Mais si des accélérations différentes apparaissent, alors là, ça mettrait en évidence une violation du principe d'équivalence, ce qui serait une révolution pour la physique. Pourquoi ça? C'est l'une des questions que je suis allé poser à Thibaut Damour. Thibaut Damour est physicien et professeur à l'Institut des hautes études scientifiques et il est président du comité scientifique de l'expérience Microscope. On revient aux fondamentaux, puisque effectivement Galilée disait « mais le principe d'équivalence, ça veut d'abord dire que tous les corps tombent de la même façon ». Le problème de faire tomber des corps depuis une tour comme la tour de Pise, c'est que ça dure pas longtemps. En une seconde ou moins, ils sont arrivés au sol. Et donc l'idée est là, dans un satellite qui tourne autour de la Terre, de mettre deux objets de composition chimique, composition interne différente, et de voir s'ils tombent de la même façon dans leur mouvement à l'intérieur de cette capsule spatiale autour de la Terre, ce qui voudrait dire, d'après l'idée d'Einstein, que l'on peut éliminer un champ gravitationnel si on tombe dans un ascenseur avec eux, qu'en fait, les objets ne devraient pas bouger l'un par rapport à l'autre. Si le principe d'équivalence est valable, ils ne devraient pas bouger l'un par rapport à l'autre. Et donc, à l'intérieur d'un satellite, il y a en fait deux paires de matériaux emboîtés l'un dans l'autre. Une paire qui est une paire de contrôle qui est faite du même matériel et une paire qui est faite de deux matériaux de composition interne différente. Pourquoi est-ce que c'est aussi important que ça de mener cette expérience dans l'espace? Aller dans l'espace permet de gagner un facteur 1000 de précision. Et donc, les meilleurs tests actuellement sur Terre sont au niveau de 10-12 et quelques parties sur 10-13. Et Microscope devrait avoir une précision au moins égale à 10-15 dans l'espace. Pourquoi, si on découvrait que ces deux cylindres ne chutent pas à la même vitesse, ça pourrait être une révolution pour la physique ? Tester le principe d'équivalence est important pour la raison suivante. Finalement, quand Einstein a compris qu'il y avait quelque chose de profond, ce quelque chose de profond restait mystérieux, mais il s'est dit, prenons-le comme postulat fondamental, c'est-à-dire supposons que ce principe est vrai exactement, est-ce que j'en déduis une nouvelle théorie de la gravitation ? Et c'est comme ça qu'il a construit la théorie de la relativité générale. Après cette construction, et bien que la théorie de la relativité générale d'Einstein soit aujourd'hui notre meilleure théorie de la gravitation, qui est complètement en accord avec toutes les expériences que l'on connaît, les essais actuels d'incorporer la gravitation dans le reste du schéma de la physique, c'est-à-dire la physique des autres interactions, suggèrent qu'il pourrait exister à un niveau fondamental des violations du principe d'équivalence, au sens où la gravitation pourrait être plus riche que ce que dit Einstein, parce que Einstein nous dit finalement la gravitation est équivalente à une sorte de déformation de la géométrie de l'espace-temps, point barre, rien d'autre. Alors que dans les théories actuelles qui unifient la gravitation avec les autres forces, il apparaît souvent le fait que la gravitation est décrite par plusieurs champs à la fois, non seulement le champ dont parle Einstein, mais d'autres champs du type dit scalaire, et ces champs-là ont tendance très naturellement à violer le principe d'équivalence, c'est-à-dire à faire que la gravitation contient d'autres interactions entre deux corps qui sont sensibles à la structure interne de ces corps. Si l'expérience Microscope vérifie le principe d'équivalence avec une précision très accrue par rapport à ce qu'on connaissait avant, on aura certifié encore plus une des théories fondamentales de la physique d'aujourd'hui, la théorie de la gravitation d'Einstein, et donc c'est un fait important. Mais Dans l'autre cas, c'est-à-dire là où le microscope trouve une violation à un certain niveau du principe d'équivalence, ça n'est pas du tout la fin de la physique. Au contraire, ça nous dit que la gravitation est plus riche que ce qu'avait imaginé Einstein. Or, actuellement, un des essais d'unification de toutes les interactions et de compatibilisation de la gravitation avec la physique quantique est la théorie des cordes. Et en théorie des cordes, très naturellement, il existe d'autres champs, comme un champ qui s'appelle le dilaton en particulier, qui viole le principe d'équivalence. Et donc, si on trouvait une violation du principe d'équivalence, ça serait l'indication qu'il y a d'autres champs au-delà de ceux prévus par Einstein, et donc ça serait peut-être une porte d'entrée vers une théorie qui unifierait la gravitation, la physique quantique et les autres interactions. Alors parlez-moi un peu de ce champ, le dilaton, qu'est-ce que c'est concrètement ? C'est une particule hypothétique qu'on cherche encore ou comment ça se passe ? Alors la théorie des cordes nous dit que la gravitation est décrite non seulement par le champ gravitationnel einsteinien, qui est un champ de géométrie de l'espace-temps, mais par un autre champ qui est quelque chose de plus simple, qui a une seule composante. Le champ einsteinien a 10 composantes dans notre espace à temps à 4 dimensions. Ce dilaton est comme, si vous voulez, un frère du graviton, et le champ dilatonique est une composante de la gravitation qui a une seule composante et qui se rajoute au champ einsteinien. Mais le point important, c'est que il ne se couple pas uniquement à la masse totale d'un corps, c'est-à-dire l'énergie totale du corps, mais il est sensible à ce qui fait cette masse, c'est-à-dire s'il y a des interactions nucléaires, des interactions électriques qui forment la masse de cet objet, eh bien, le dilaton est sensible à ça. Et du coup, il verra la différence entre le platine et le titane, s'il existe, et s'il est couplé à la matière d'une façon pas trop faible pour pouvoir être détecté. Voilà le reportage Thibaut Damour interrogé par Antoine Beauchamp sur cette expérience satellite microscope dont les résultats seront connus dans très peu de temps. Jean-Philippe Buzan, vous savez, c'est d'ici un mois, vous avez déjà quelques... Oui, je collabore un peu avec eux, donc je sais des choses, mais je resterai complètement muet comme une carpe sur le sujet. une réaction tout de même à ce qu'on vient d'entendre, ces résultats peuvent être une observation significative vraiment dans l'histoire de la conception de la gravité tout de même, Jean-Philippe Puissan. Oui, tout à fait. Alors, comme toute expérience de physique qui teste une théorie fondamentale à ses limites, c'est-à-dire que soit vous allez augmenter le domaine de validité de la théorie si vous ne détectez rien, et comme le dit Thibaut Damour, si on ne voit rien, ça va augmenter d'un facteur 100 ou 1000 le domaine de validité de la relativité générale dans ce régime-là. Donc, quelque part, on aura encore plus confiance dans notre théorie. Et ça, c'est important, en particulier pour la cosmologie, parce qu'il y a aussi des anomalies en cosmologie et donc qui nous demandent de tester la validité de cette théorie le plus finement possible. Donc là, on apprendra quelque chose. Et bien sûr, si l'on détecte quelque chose, et en particulier si on voit qu'un corps en platine, les deux corps de composition chimique différente ne tombent pas de la même façon, ça veut dire que cette force va dépendre de la composition chimique, de la structure interne de la matière. Et donc, on voit que ça ne peut pas être simplement ce champ de géométrie. Il va falloir rajouter quelque chose. Donc, Thibaut Damour vous parle de ce dilaton. Il y a bien sûr un certain nombre de théories qui ont été formulées dans lesquelles ceci est possible. Et là, ça vous donne, à partir du moment où vous avez une détection, il y a quelque chose qui réagit. Et donc, vous allez commencer à pouvoir étudier ce phénomène et voir est-ce que finalement, cette déviation que vous observez par rapport aux prédictions de la relativité générale sont en accord avec telle ou telle théorie. Mmh. Et est-ce que ces théories, qui sont en général des théories plutôt phénoménologiques, sont en accord plutôt avec ce que l'on pense de la théorie des cordes ou de la gravité quantique à boucle, par exemple. Carlo Rovelli, à ce propos, vous croyez-vous à cette gravitation plus riche telle que la décrivait Thibaut Damour? C'est pas question de croire. C'est pas une question de croyance. C'est-à-dire que j'ai formulé cette objection en même temps, au moment où j'ai posé la question. Alors c'est sortez de mon cerveau tout de suite. Non, mais c'est une bonne question quand même. Bon, je sais pas, si je devais faire un pari d'argent, je mettrais un peu plus d'argent vers le résultat négatif, c'est-à-dire confirmer la relativité générale. Mais la beauté de la science, c'est justement qu'on ne sait pas, on va voir. Mm. Et la beauté, c'est que on travaille sur les marges, non, sur les détails, sur la théorie de Newton marchait de façon spectaculaire par le système solaire. Ça donnait la position exacte, très bon, mm-hmm. très juste pour Vénus, Jupiter, Mars, etc. Ça a même permis de trouver Uranus. Ça a même permis de prévoir Neptune, oui, avant de les voir, de calculer où ils étaient. Donc, on avait envie de dire, ben voilà, c'est tellement belle, c'est tellement clair, et c'est tellement juste que ça doit être définitif. Mais non, il y avait tout ce petit détail de Mercure, ce petit angle qui ne marchait pas, et ce petit détail nous a permis d'ouvrir une immense fenêtre sur tout autre phénomène. Alors, est-ce que là, on pourrait faire quelque chose de similaire? Bah, si ça passe quelque chose comme ça, bah, très bien, on serait tous très contents. Si au contraire, ne se passe rien, alors on a quand même des indications très utiles sur le fait, ça ne prouve pas que les théories alternatives sont fausses, parce que, encore une fois, ça, on ne prouve rien de façon définitive en science. Mais ça donne des arguments en plus pour douter de l'utilité d'aller chercher dans une certaine direction. Non. Jusqu'à preuve du contraire, déjà, comme je le répète chaque jour à la fin de cette émission. Oui, oui, mais je dirais, ce n'est pas seulement du paupère la science, c'est qu'on on cumule des indices. Non. C'est-à-dire, si j'ai une théorie qu'il y a des lions sur... en Bretagne, j'y vais, je ne le vois pas, ça ne prouve pas qu'il n'y a pas de lions. Mais si j'y vais une deuxième fois, il n'y en a pas, une troisième fois. À un certain moment, je dis, écoute, ça ne m'intéresse plus ton théorie qu'il y a des lions en Bretagne, il n'y en a pas. Est-ce que je suis sûr? Peut-être qu'il y en a caché quelque part, mais j'abandonne l'idée. Alors, cette expérience peut fonctionner dans les directions. D'un côté, ça peut nous dire, oh voilà, il y a quelque chose de nouveau qu'on ne connaissait pas. Et ce serait super. De l'autre côté, ce serait une autre, il y en a eu une série, des suggestions qui viennent par des théories différentes, y compris la théorie des cordes, qui nous disent, regardez, si la théorie des cordes est vraie, on pourrait voir ça, on ne le voit pas, et donc on abandonne un peu plus certaines directions. Oui, on est dans une situation un peu étrange, parce que finalement, dans les années 70, je dirais, quand le modèle standard a été mis en place et la réalité générale est écrite en 1915-16, de l'or, nous avons des théories incroyablement puissantes. Il y a très peu qui échappent de façon claire à ces théories. Peut-être le seul phénomène qui clairement, qui semble échapper à ces théories est la matière noire. Donc, nous avons une situation un peu particulière dans l'histoire des sciences. On n'a pas très souvent été là. D'avoir des théories qui semblent expliquer tout, très fort. Et donc, on cherche disparément des contradictions avec ces théories pour avoir des indices par la nature qui nous disent comment améliorer. Alors, puisque vous évoquez la matière noire, il y avait le New Scientist consacré sa une et un dossier à la gravitation dans son numéro du 18 mars dernier. Et ce qui était intéressant dans l'article et dans l'entretien qui était mené, c'était un entretien, attendez que je ne vous dise pas de bêtises, avec Stacy McCo. Dans cet entretien, le New Scientist interrogeait finalement la persistance à vouloir penser à tout prix la gravitation telle qu'elle est intégrée aujourd'hui au modèle standard. En disant que finalement, pour maintenir la gravitation telle qu'elle en quatrième force fondamentale, même si, comme on l'a entendu, c'est une force particulière, il faut inventer la matière noire, il faut inventer l'énergie noire, il faut inventer tout un tas de concepts qui sont aujourd'hui totalement inobservables dans l'état actuel des choses, plus deux théories qui sont des théories concurrentes, même si effectivement, surtout avec vous, Carlo Rovelli, la gravitation quantique à boucle semble aujourd'hui avoir un peu pris le pas sur la théorie des corps, tout ça pour maintenir ce modèle. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui d'essayer de penser en dehors, de reconstruire une expérience de pensée différente pour envisager autrement la gravitation? Carlo Rovelli, pour commencer. Moi, je pense que les scientifiques, aujourd'hui, sont en train d'explorer toutes les pistes qu'ils arrivent à explorer. Je ne pense pas qu'il faut qu'on a besoin de dire aux scientifiques, écoutez, il n'y a plus de boîte depuis longtemps. Allez explorer quelque chose d'autre. Ils sont en train d'explorer toutes les modifications de la gravité, les changements de ça, de cette autre chose. Si quelqu'un a de bonnes idées, ils sont très bienvenus. Mais l'argument, il faudrait chercher quelque chose de différent, très bien, on le sait, mais quoi ? Sur la matière noire, il y a aujourd'hui, peut-être là c'est Jean-Philippe qui est l'expert plus que moi, mais il y a aujourd'hui peut-être, 7, 8 explications différentes, pistes qui sont suivies, y compris modification de la théorie de la gravité, y compris des phénomènes quantiques, y compris des petits trous noirs, y compris des particules supersymétriques, y compris tout ce qu'on peut penser. Le problème... Si je vois une difficulté dans la physique théorique actuelle, ce n'est pas on n'a pas assez d'imagination, on ne veut pas. C'est peut-être on en a trop. on cherche trop de directions. Il faudrait peut-être se focaliser dans celle qui semble plus promettre plus. Prometteuse. Jean-Philippe Usan, votre point de vue là-dessus sur. Oui, donc je pense que. Ce que je dirais pour commencer, c'est quand on fait de la recherche, on va pas à la pêche. C'est-à-dire, on n'est pas en train d'essayer tout ce qui pourrait être. Si je commençais à faire le catalogue de toutes les théories qui pourraient décrire la gravitation, en fait, j'aurais jamais fini et je sais pas ça. Il faut trouver un principe directeur. Alors, il est clair que ce qui vous guide, c'est soit l'incompatibilité entre deux théories. Tout à l'heure, on a parlé de la compatibilité entre la gravitation et la mécanique quantique. Donc ça, c'est un fil que l'on peut tirer. Et l'autre fil que l'on peut tirer, c'est une incompatibilité avec l'expérience. Alors, Stacy Mago, c'est quelqu'un qui a travaillé pendant des années sur les théories qu'on appelle MONDE, Modified Newtonian Dynamics. Dont on n'a pas parlé ici, mais dont il faut évoquer. Je vais en dire un mot, parce que, en fait, c'est vrai que c'est des théories dans lesquelles on s'est dit, si je prends, par exemple, une galaxie spirale et que je fais une courbe de rotation, donc la vitesse de rotation des étoiles dans cette galaxie, eh bien, je vois que je fais l'analyse de ça et je me rends compte que les étoiles tournent trop vite. Et donc, si je veux qu'elles restent liées dans la galaxie, il faut que j'invoque l'existence de matière bien plus que je ne pense qu'il y en a. Et donc, sinon, elle se disloquerait. Voilà, c'est ça. En gros, vous tournez vite. Si vous tournez vite, vous allez vous échapper. C'est un peu comme sur un manège. Si vous tournez un truc, eh bien, si vous tirez pas suffisamment fort, eh bien, la force centrifuge va vous envoyer vers l'extérieur. Et donc, si la galaxie garde son identité alors qu'il y a des étoiles qui tournent aussi vite, c'est qu'il y a un champ de gravitation qui est beaucoup plus fort que celui que l'on calcule à partir de la distribution de matière observée par la lumière. Donc ça, c'était le point de départ. C'est un des arguments pour l'existence de matière noire. Et il y a des gens qui sont arrivés, en particulier Mordechai Milgrom, qui est un chercheur israélien, par cette formulation en disant, eh bien, on va modifier la loi de Newton dans un régime de faible accélération. Parce que quand je m'éloigne du cœur de la galaxie, je suis dans un régime qui est d'accélération beaucoup plus faible. Alors, on peut faire ça. Et ils ont écrit une loi mathématique pour ça. Mais il y a une première chose qu'il faut se rendre compte, c'est que ça, c'est une explication qui tient dans un cadre, je vais dire, quasiment newtonien, puisqu'on est en train de parler de force. Eh bien, comme on l'a dit tout à l'heure, la gravitation n'est plus décrite par une force. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on compare en général deux théories. On dit soit on met de la matière noire, c'est-à-dire on invoque une nouvelle particule, soit on change une force. Dans un cadre plus moderne de la physique, qu'on appelle la théorie des champs, qui est le cadre finalement où on décrit toute la physique aujourd'hui, eh bien, que ça soit une particule ou une interaction, en fait, c'est un nouveau champ, un nouveau degré de liberté. Donc, je crois que ces incompatibilités, que ça soit l'existence de cette matière noire ou de l'énergie sombre pour l'accélération de l'univers, ce que ça révèle, c'est que dans ce cadre-là, il manque quelque chose, il manque des degrés de liberté. Et que la bonne question est de savoir quelle est la nature physique de ces degrés de liberté et quel est leur couplage avec la matière. Est-ce qu'ils sont responsables pour une force à grande distance ou pas ? Est-ce que cette force est universelle ou pas ? Et en fait, on a un certain nombre de modèles que l'on va pouvoir caractériser par rapport à la nature de ces degrés de liberté. Et quand on va regarder la limite newtonienne de cette théorie, on pourra dire « Ah, mais ça se comporte plutôt comme de la matière noire ou plutôt comme une nouvelle force de gravitation. » Mais en fait, au niveau fondamental, au niveau de la théorie des champs, ça sera de toute façon un nouveau champ. Donc c'est souvent, en fait, cette distinction... Elle est faite sur des bases de physique newtonienne, donc de la physique assez ancienne, d'avant le XXe siècle. Oui, mais c'est son nom d'ailleurs, Modified Newtonian Dynamics. Voilà. Carlo Rovelli, un mot sur ces théories mondes. Elles ont été, pendant très longtemps, elles avaient un peu perdu en intérêt. Et là, on a l'impression que récemment, quand même, la cosmologie se réintéresse, se dit finalement, effectivement, avec Stacy Mago, que ça pourrait finir par, malgré tout, décrire certains comportements au niveau des galaxies. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que le point qu'a fait Jean-Philippe, que finalement ce n'est pas très différent de modifier la gravité et d'ajouter de la matière, finalement c'est un peu la même chose, et ça me semble très correct du point de vue de la théorie des champs. Je pense que le problème de la matière noire, c'est peut-être le problème ouvert d'observation que nous avons en physique fondamentale. J'oserais presque dire le seul, parce que moi j'ai parlé de l'intérieur du trou noir ou de debout de l'univers, mais on n'a pas beaucoup d'observations directes de l'intérieur du trou noir ou de debout de l'univers. Donc là, on sait que nos théories ne marchent pas, mais on n'y voit pas facilement. Alors on peut espérer de façon indirecte d'observer. Par contre, et tout le reste, comme j'ai dit, expliqué par très bien par les théories que nous avons. Donc la matière noire, par contre, non. Donc il faut changer quelque chose, il faut ajouter quelque chose, on a de la confusion là. C'est aussi possible, une composante de la matière noire, par exemple, ça c'est une hypothèse que j'aime beaucoup, même si ce n'est pas mon expertise de tout, ce soit des trous noirs, des petits trous noirs diffusés dans l'espace. C'est une hypothèse faible qui a ses propres faiblesses, mais tous les hypothèses ont leurs faiblesses. Je pense que c'est bien, on a quelque chose qu'on ne comprend pas. Bah, très bien, on a plusieurs. Chacun suit sa piste et les expériences, il y en a plein qui sont en train de se faire, sont en train déjà de montrer que certaines pistes ne marchent pas. Il y a des idées, par exemple, de certains types de particules qui pourraient faire la matière noire, que supersymétriques, que si ça avait été ça, on les aurait vus avec des accélérateurs de particules. Ouais. Ou au moins, ça commence à mettre des limites assez strictes sur ces possibilités. Donc, évidemment, chacun a ses idées différentes et voilà, on va voir ce qui se passe. Et on renvoie, on a déjà mis le lien sur Twitter, mais à l'émission que nous avions consacrée précisément à cette matière, à cette énergie noire. Un mot pour conclure, on a parlé beaucoup aujourd'hui de la gravitation, de la gravité. On aurait pu dire un mot aussi du graviton, qui est une espèce de serpent de mer de la physique des particules. Est-ce que la gravité peut s'incarner dans une particule ou non? Un mot pour conclure en quelques secondes, et quid de l'anti gravité, Jean-Philippe Puzan, c'est une lubie, c'est une folie physique ou c'est quelque chose que l'on doit adresser sérieusement? C'est quoi l'antigravité? C'est une force opposée à la gravité. Dans ce cas-là, ça ne rentre pas dans ma définition de ce que j'appelle la gravité. J'ai dit qu'elle était non compensée, donc il faudra lui donner un autre nom. Mais ça veut dire, est-ce qu'il existe une autre force à longue portée? Aujourd'hui, nous n'en avons pas détecté, il n'y a pas de nécessité. En fait, je pense qu'en physique, il faut être économe, on n'a pas besoin d'invoquer l'existence de choses que on ne peut pas tester, sur lesquelles on ne peut pas agir. Si finalement cette matière noire ou l'accélération de l'univers nous pointe vers une nouvelle force qui aurait cette propriété, alors on la définira, on lui donnera un nom et on en parlera sérieusement. Avant, je pense que c'est plus de la science-fiction et c'est juste agiter le vent et en fait plutôt créer de la confusion qu'autre chose. Carlo Valli, vous partagez ça? Complètement. Je pense qu'on a assez des problèmes pour ne pas se créer d'autres qui ne viennent pas de ni de questions théoriques ni des observations qu'on a fait. Je pense que du point de vue des observations, le problème aujourd'hui c'est la matière noire. Du point de vue des questions théoriques, c'est faire une théorie quantique de la gravité. Et ça, ce sont les directions les plus intéressantes de recherche aujourd'hui. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci Jean-Philippe Puzan. Hein, merci, je rappelle, à tous. La gravitation, pourquoi tout tombe toujours, avec Barbara Martinez aux éditions Le Pommier. Si vous voulez un ouvrage un peu plus théorique, un peu plus dense aussi, hein, je vous suggère les théories de la relativité qui ont été publiées, elles, aux éditions Belin. Et puis Carlo Rovelli, merci encore une fois aussi à nos collègues de la radio WDR à Cologne, depuis de là que vous étiez en duplex. Par-delà le visible, la réalité du monde physique et la gravité quantique. Et cette brève leçon de physique, tout ça aux éditions Odile Jacob. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Céline Lozen, Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Mathieu Lefrançois, Elisabeth Miro à la réalisation, Jean-Guy Lamège à la technique et Manon Dubus au droit d'auteur.